Je souhaite ni du mal ni du bien. J'suis là pour tes grammes à ce pied. Rien à foutre d'eux, ils sont combien? J'enfale pour pas salir ma repaix. J'espère que ça en vaut la peine. C'est que pour la plata qu'on peut faire la paix. Je la vois que elle fait la belle. Elle impressionne que ceux qui n'ont pas de blé. Tu sauras jamais ce que l'on pense. Tu pisses contre le vent quand j'ai trois coups d'avance. J'envoie ça aux quatre coins de la France. J'ai misé sur le boulot, jamais sur la chance. Du putain de Tosma, j'ai envoyé avant d'être une rockstar. Surveille le thermostat, j'fais monter la chaleur comme un coaster. Et si le prix du poignet dépasse les 50k, elle va vite s'attacher, elle va plus s'éloigner. Est-ce que l'humain s'achète? Est-ce que la guerre ça paye? Je peux pas m'assurer ta fidélité, t'as changé de peine la veille. Si gagner te paraît simple, mais je te pousse 10 kilos de pur. Ils sont bloqués l'ascenseur, donc on a dû sauter le mur. J'sais même plus ce qui m'anime, tout est gris comme le béton. Rancunier, mais tout passe au final comme les saisons. Tu t'es senti pousser des ailes, rattrapé par la gravité. J'attends pas que le bon Dieu m'aide pour faire marcher mes sales idées. Mauvaise pioche, mauvais tirage, si jamais t'hésites ça va faire qu'empirer. Et si t'es bloqué dans la spirale, c'est que les ennuis tu sauras attirer. Et si le prix du poignet dépasse les 50k, elle va vite s'attacher, elle va plus s'éloigner. Est-ce que l'humain s'achète? Est-ce que la guerre ça paye? J'peux pas m'assurer ta fidélité, t'as changé de peine la veille. Si gagner te paraît simple, tu seras voué à l'échec. Ils ont bloqué l'ascenseur, j'ai dû passer par l'échelle. Et j'sais même plus ce qui m'anime, tout est gris comme le béton. Rancunier mais tout passe au final comme les